Section 12 de « Le mari de Charlotte » par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Chapitre 12. Une occasion favorable, des circonstances permettant de faire entendre raison à M. de la Héraudière et de vaincre ses répugnances, c'était ce que Georges avait demandé. Mais les occasions favorables résulte bien plus souvent de notre volonté que du hasard. On les trouve quand on les cherche, surtout quand on les fait naître. Lorsque Georges n'avait plus été sous l'influence immédiate de Charlotte, sous sa main et sous ses yeux, pour ainsi dire, il n'avait pas cherché ses occasions. Devant elle, il s'était laissé entraîner, loin d'elle, il s'était repris. À vrai dire même, il s'était couché, le soir de leur entretien, de fort mauvaise humeur, et ce n'avait pas été sans un certain sentiment de dépit qu'il avait fait son examen de conscience. Comment, à son âge et avec ses principes, il était encore sensible à deux yeux éplorés? Où irait-il, que ferait-il dans la vie s'il se laissait ainsi prendre à ses niaiseries? La belle affaire, vraiment, d'arriver avec une résolution qui ne tenait pas devant une pression de main. Amoureux, lui, mais on n'était plus amoureux. Cela était bon autrefois, au temps où l'on disait sans rire d'une jolie femme qu'elle était sentimentale. L'amour, la poésie, il y avait longtemps que tout cela était tombé sous le ridicule. De nos jours, on était positif, et l'on ne donnait plus dans ces sottes exagérations. Quelquefois encore, on parlait de passion, mais c'était dans les séparations de corps, quand monsieur ou madame avait eu la maladresse de se laisser prendre en flagrant délit et qu'il fallait une explication convenable à ce qui ne l'était guère. Les passions, messieurs, où ne peuvent-elles pas nous entraîner? On savait très bien ce qu'il fallait entendre par ce grand mot. Lorsqu'on était un homme raisonnable et pratique, on se tenait à l'abri des passions. S'abandonner à ses désirs ou aux plaisirs, se faire esclave des uns ou des autres, c'était abdiquer. Sur cette pensée philosophique, il s'était endormi. Mais au lieu de rêver tribunes, journaux, ministères, comme il lui arrivait souvent, il avait fait le rêve le plus sot du monde. Il habitait une petite ville de province où il exerçait sa profession d'avocat dans des conditions modestes, mais avec l'estime et l'amitié de tous. Il gagnait peu, cependant plus qu'il ne dépensait. Il était chargé d'une cause qui le préoccupait vivement, car il désirait que, malgré l'intérêt de scandale qu'elle présentait, les journaux n'en rendissent pas compte, afin de ménager des susceptibilités de famille et arriver plus tard, quel que fût le jugement, à une réconciliation. Après mille difficultés, il était parvenu à dérouter les journalistes et à renvoyer ceux qui étaient venus lui demander communication de son dossier. Il plaidait, et bien qu'il démontrât jusqu'à l'évidence les torts de sa partie adverse, il savait le faire avec tant de mesure et de convenance qu'en sortant de l'audience, cet adversaire le saluait respectueusement. Son plaidoyer l'avait mis en retard et il avait hâte de rentrer chez lui, car on était au samedi. Il devait partir avec sa femme et ses enfants pour aller passer la journée du dimanche chez son beau-père, ce qui était pour eux quatre la grande joie de leur existence. Sa femme était venue au-devant de lui, et de loin il la voyait s'avancer, tenant un enfant par chaque main. Comme elle était charmante, comme les enfants, en le reconnaissant, poussaient des cris joyeux, il la joignait, et elle lui jetait les bras autour du cou, ils s'embrassaient tendrement, alors ceux qui le regardaient se disaient entre eux, comme ils sont heureux et comme Georges Saffarel a été bien inspiré d'épouser Charlotte de la Héraudière. Épouser Charlotte, il se réveilla, mais s'étant rendormi, ce fut encore de Charlotte qu'il rêva. C'était une obsession, une véritable possession. Aussi, lorsqu'il descendit de son lit le matin, était-il dans les dispositions d'esprit les plus maussades. Il ouvrit sa fenêtre pour regarder la mer et chercher une distraction à ses idées. Devant lui, à 20 pas, Charlotte, en peignoir du matin, chaussée de petits sabots qui claquaient, cueillait des fleurs qu'elle déposait délicatement dans une corbeille passée à son bras. La rosée de la nuit qui avait été abondante s'était amassée entre les pétales des roses. Avant de placer ses fleurs dans son panier, Charlotte les penchait la tête en bas sans les secouer, et l'on voyait l'eau tomber sur le gazon. Les rayons obliques du soleil levant enveloppaient de lumière ces gouttelettes qui brillaient comme des diamants. En allant ainsi de rosier en rosier, Charlotte leva les yeux vers la fenêtre et elle aperçut Georges qui la regardait. Alors, elle baissa vivement la tête vers sa corbeille. Puis, après avoir cherché un moment parmi les fleurs qu'elle venait de cueillir, elle prit une rose à demi éclose, et la tenant à la main, les yeux levés vers la fenêtre, les lèvres entrouvertes par un sourire, elle marcha vers la maison. Arrivée sous la fenêtre, elle lança sa rose de manière à ce qu'elle vînt tomber dans la chambre, puis faisant une belle révérence à son cousin, « Bonjour, Georges, » dit-elle. Toujours elle, le jour, la nuit, dans le rêve comme dans la réalité, et toujours avec des grâces nouvelles. Il ramassa vivement la rose, et la portant à ses lèvres, il renvoya à Charlotte dans un baiser le bonjour qu'elle venait de lui donner. Durant plusieurs secondes, une minute peut-être, elle resta le regard tendu vers lui, puis, après lui avoir fait de la main un signe amical, elle retourna à sa cueillette de fleurs. À peine s'était-elle éloignée que Georges jeta la rose avec colère sur une table. Il était furieux contre lui-même. Embrasser une rose, envoyer un baiser idéal, se laisser troubler par un sourire au point de perdre la raison. Quelle pauvre machine que la nôtre ! Mais il avait toujours eu l'habitude de commander à cette machine et de la diriger où il voulait. Il prit un livre pour ne plus penser à Charlotte. Pendant 40 années, M. de la Hérodière avait amassé des livres. Mais bien qu'il eût bâti une maison en vue de les loger, il lui avait été impossible de les placer tous dans son cabinet de travail, et il avait été obligé de les distribuer dans les différentes pièces de la maison. Afin de mettre un peu d'ordre dans cette dispersion, il avait fait une sorte de classement. Dans sa propre chambre, l'histoire naturelle, dans la chambre de Charlotte, la littérature d'imagination, dans celle de Georges, la littérature ancienne. Ce fut ainsi que Georges, étendant la main au hasard, tomba sur un volume de l'Odyssée. « Voilà qui est parfait, » se dit-il. « Si le père Homère me ramène à Charlotte, ce sera un peu fort. » Il ouvrit le volume au hasard et se mit à lire. Il n'est pas de plus doux, de plus grand bonheur que celui d'un homme et d'une femme qui gouvernent leur maison en se réunissant dans les mêmes pensées. Ils sont le désespoir de leurs envieux et la joie de leurs amis. Le livre, lancé avec force, alla rejoindre la rose sur la table. Décidément, tout s'en mêlait. Les choses elles-mêmes conspiraient contre lui. Quelle folie il avait faite de venir à la crique et qu'il eût été bien plus sage d'aller passer ses vacances en Suisse ou en Écosse. Il avait cru qu'il arrangerait ses affaires en venant lui-même et qu'il arriverait habilement à une rupture facile qui contenterait tout le monde. Il agirait de telle sorte avec son oncle. Il dirait telle chose à sa cousine et avec de la douceur, de l'adresse, de la patience, il sortirait à son honneur de cette situation délicate. Mais dans son calcul, il n'avait pas tout compté. Il s'était oublié lui-même. Et maintenant, c'était de lui, de son émotion et de son trouble, que venaient les difficultés. Lorsqu'il descendit déjeuner, loin d'être en disposition de faire naître une occasion favorable pour s'expliquer avec son oncle, il était tout prêt, au contraire, à provoquer une rupture brutale. Un cœur sensible. Ah non, par exemple. Et il entra avec une figure contractée qui, par son expression de colère et de dureté, frappa M. de la Hérodière, peu habitué cependant à faire des observations de ce genre. Pour Charlotte, qui se tenait debout devant le dressoir sur lequel elle avait préparé le dessert, elle resta stupéfaite, se demandant avec inquiétude ce qui allait se passer. « Tu as mal dormi ?» demanda M. de la Hérodière. « Oui, mon oncle, assez mal. » L'air de la campagne. C'est l'effet qu'il produit quelquefois sur des organisations délicates. Tu sais qu'il y a des plantes charmantes, d'ailleurs, qui ne peuvent vivre que dans un air vicié. Ce qui est sain et pur leur est mortel. Vous vous moquez de moi, mon oncle, et vous croyez faire une plaisanterie. Ce que vous dites en riant est vrai pour moi, cependant. La campagne m'est mauvaise. Ces plantes dont je te parle, continua M. de la Hérodière, sans quitter le ton de la bonhomie, se plaisent dans la pourriture. Et c'est seulement dans cette pourriture qu'elles peuvent se développer et fructifier. Si cette allégorie signifie que je ne pourrai pas me développer à la campagne et y fructifier selon votre mot, vous avez bien raison, mon oncle. Je conviens avec vous qu'il faut à mon esprit la pourriture parisienne. À ton esprit seulement? Mais mon oncle, tu nous disais tout à l'heure que tu avais mal dormi. Charlotte, épouvantée de la tournure que prenait l'entretien, se jeta au travers pour faire une diversion. « N'égrenez pas les groseilles, dit-elle à la servante, qui avait pris sur le dressoir un petit panier dans lequel de belles groseilles rouges et blanches reposaient sur un lit de feuilles de vigne. « Tu vois que Charlotte a pensé à toi, » dit monsieur de la Hérodière. « Comment a-t-elle fait pour te conserver ces groseilles dans ce parfait état de fraîcheur ? Je n'en sais rien, mais voilà le résultat, regarde un peu. » Ainsi elle avait pensé à lui, et au moment même où à Paris il s'affermissait dans son idée de rupture, elle, de son côté, s'occupait à lui faire une surprise pour le jour de son arrivée. Il ne répliqua pas à son oncle et mit la conversation sur un sujet où les querelles n'étaient pas possibles. Il était dit qu'en tout et partout il serait ainsi entravé. Les jours s'écoulèrent et Charlotte put constater qu'il prenait à tâche de se maintenir sur un terrain neutre. Lorsque M. de la Hérodière abordait maintenant une question dangereuse, Georges se taisait ou très adroitement il parlait d'autre chose. Ce n'était pas là ce qu'il lui avait promis. Que se passait-il donc ? Comme elle se posait cette question avec une anxiété qui de jour en jour s'exaspérait, il lui annonça que son ami Narmenton allait venir à la crique pendant un séjour qu'il ferait à Port-Navalo. Elle reçut cette nouvelle d'un visage chagrin. « Cela vous contrarie que mon ami vienne me voir ? » dit-il. « Ce qui me peine, dit-elle, ce n'est pas qu'il vienne vous voir, mais bien qu'il vienne se placer entre nous. Pendant son séjour à Port-Navalo, vous vous visiterez souvent, et notre intimité sera rompue. Comment alors trouverez-vous ces occasions de vous expliquer avec mon père que vous deviez chercher et que j'attends si impatiemment ? Narmenton n'est point importun, soyez-en certaine. C'est un homme charmant, intelligent, généreux, et je vous affirme qu'il vous plaira. Qui sait même s'il ne vous plaira pas trop. Il est beau garçon, un peu mélancolique, avec cela 200 000 francs de rente. Qui sait si je ne me repentirai pas de vous l'avoir fait connaître ? Elle le regarda un moment. Il vit alors que de grosses larmes roulaient dans ses yeux. Elle détourna la tête et sans un mot, elle s'éloigna. Fin de la section 12.